Mardi 3 décembre, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour discuter art visuel. Cette semaine à l'émission, on recevra Raymond Poirier qui viendra nous faire sa revue de presse. On discute avec Nadia Mir qui présente The Scar Project, donc une œuvre sur laquelle elle travaille depuis 8 ans, une œuvre, un projet en fait, plutôt sur qui est présentée à la Galerie des arts visuels. Également en fin de semaine, le 7-8 décembre, c'est le Salon Nouveau Genre à l'église Saint-Jean-Baptiste et pour en parler, quelques exposants, dont les gens de Sebo Escabeau, Louis Rastelli de Distroboto et Émilie Proulx. Et puis Fanny Hénon-Lévy viendra nous faire sa chronique sur l'exposition Tension Sérénité de Francis Gagnon qui est présentée à l'établi. Comme d'habitude, le tout sera ponctué des suggestions audio de Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, Simon, on écoute des femmes. Oui, enfin, je dis toujours qu'il n'y a pas assez de femmes dans le monde de l'art audio. J'ai trouvé une très belle compilation. C'est sur l'étiquette Sillage intemporel. Donc, la compilation s'intitule Elle, Woman in Experimental Music. C'est une grosse compilation. Il y a 24 pièces. Puis, c'est toutes des femmes qui sont sur la compilation, des femmes qui viennent un peu partout de la planète. Des artistes vraiment intéressantes qui sont pas juste dans l'audio. Souvent, ils ont toutes sortes de trucs périphériques. J'ai choisi 4 artistes différentes. La première, c'est Dino. Elle vient de l'Allemagne. Elle fait beaucoup de vidéos. Elle fait également des installations sonores. J'ai aussi de l'Australie, Fur Chick, qui fait entre autres des trames sonores pour la danse contemporaine, qui fait aussi des installations sonores. La troisième pièce, c'est de Cathy Alberici. C'est une Allemande. Elle, c'est du violon et des synthétiseurs analogues. Ça fait un drôle de mélange, oui, hein? Vraiment intéressant. Puis enfin, on finit avec une dame de la Hongrie. C'est Kinga Toth. Elle joue avec la voix en loupe. Donc, il n'y a absolument aucun effet, seulement la voix en boucle. Ça fonctionne par accumulation. C'est vraiment spécial. Donc, elle fait ça. Elle est aussi professeure en littérature allemande et journaliste, éditeur, vraiment impliquée dans le monde de l'art. Donc, je vous invite à télécharger la compilation puis de consulter le document qui va avec ça. Ça donne un peu plus d'explications à propos des artistes vraiment à découvrir. C'est des trucs vraiment intéressants. Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup pour cette suggestion. Ça fait plaisir. Puis, à part les pièces qu'on écoute aujourd'hui, on peut écouter à Web Musique les dimanches à 20h sur les ondes de CKRL. Oui, c'est bien ça. Et on écoute un extrait tout de suite de Dino. On écoute la pièce Control. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale. On a entendu un extrait de l'album Elle, Women in Experimental Music, publié sur l'étiquette Sillage intemporel. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement des pièces qui sont en extrait à l'émission et à peu près tout ce qu'il y a dans l'émission finalement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Et là, ben, c'est l'heure de la revue de presse et j'ai devant moi qui me regarde intensément dans les yeux Raymond Poirier. Salut. Oui, bon. Bonjour Julie. Alors, revue de presse, c'est qu'on commence avec des récompenses, avec des prix qui ont été offerts tout récemment, notamment le Turner Prize d'art contemporain qui a été offert à la Française Laure Prouveau. Une surprise, d'ailleurs, pour plusieurs, là, la jeune femme de 35 ans qui a créé la surprise en l'emportant face au favori des parieurs, David Shrigley, et à deux autres artistes également qui avaient été mis en nomination. Alors, on a choisi Madame Prouveau pour rendre hommage à ce qu'on décrit comme un travail exceptionnel, combinant images et objets construits à partir de souvenirs personnels qui mêlent les faits, la fiction, l'histoire de l'art et les technologies modernes en utilisant la vidéo d'une façon complètement contemporaine. Elle amène les spectateurs dans un monde intérieur. Intéressant. Voilà. Si on ne la connaît pas, bien évidemment, sur le web, il y a beaucoup de documentation à trouver. Et sinon, si on reste dans les primes, on revient peut-être un peu plus vers le Québec. Il y a la Fondation Émile Néligan qui a annoncé son prix Ozias Leduc 2013. Il a été décerné à l'artiste montréalaise Marie-Claude Boutillier pour l'ensemble de son œuvre. Madame Boutillier, qu'on a vu passer à Québec à quelques occasions, notamment un projet Créature présenté à la Chambre Blanche en 2004. Elle s'intéresse au rapport entre la peinture et le textile, à la représentation de l'artiste dans la littérature. On a vu son travail donc un peu partout à Québec, à Montréal et ailleurs depuis la fin des années 80. On passe de prix à des records. Tableau de la Canadienne Emily Carr qui a été vendu aux enchères 3,39 millions de dollars. Ouf. C'est un record pour Emily Carr, dont l'œuvre fait une place importante d'ailleurs, incidemment, à la culture autochtone. Ça a été vendu donc à la maison Eiffel. Le tableau, précisément, c'est de Crazy Stare. Donc, on s'attendait à ce que les ventes soient fortes. On avait déjà placé un peu les cartes autour de ça. C'est une huile sur toile qui date de 1928 ou 1930, qui est d'ailleurs l'une des pièces majeures de la collection de peintures s'inspirant des totems des principaux villages autochtones de la Colombie-Britannique. C'est la première fois, évidemment, qu'un montant comme celui-là est atteint pour un tableau d'Emily Carr, et pour la maison Eiffel, c'est aussi donc le montant le plus important pour un artiste de la période post-impressionniste. Quand même. Et tout ça nous amène, on explore au fil des articles ce marché de l'art. Si on n'y est pas, ben on l'observe peut-être avec un peu de questionnement. Je suis tombé sur quelques beaux articles dans le magazine Canadian Art autour justement de ce marché des enchères et également du marché secondaire. Il y en a un qui fait quand même une belle description sur des tendances à surveiller peut-être pour l'année prochaine. Notamment, en fait, on dit que de plus en plus, on parle d'enchères qui sont physiques, et ben de plus en plus, on va passer vers des enchères qui sont virtuelles. Donc, il y en a déjà de plus en plus. Et dans ce type de présentation-là, ben la galerie va servir plutôt d'appendice pour présenter physiquement certaines œuvres, pour regrouper les activités. Et il y a déjà beaucoup de galeristes ou de maisons d'enchères qui semblent prendre cette tangente sur le marché canadien. Parallèlement, on parle aussi, ben justement, d'une croissance qui sera surveiller autour du marché secondaire sur le web notamment on dit regardez si une maison, si un marché comme Amazon se lance dans la vente d'œuvres d'art aux enchères sur le web, ben c'est signe qu'il y a là quand même un marché. Il y a une niche. Il y a une niche et nécessairement fait une entreprise comme Amazon ne se serait pas lancée là si justement cette niche-là risquait pas de prendre une place de plus en plus prépondérante dans le marché secondaire de l'art. Il y a d'autres galeries, il y a d'autres maisons qui également essaient de développer un peu cette niche-là et de trouver leur place dans tout ça, mais les montants sont de plus en plus importants, là, et on parle par exemple chez Eiffel de la branche web à peu près 6 millions de dollars de ventes là, par année, et ça pourrait monter largement. Il y a ça. Parallèlement, ce qui est intéressant aussi, c'est les ventes privées semblent augmenter du côté là des marchés aux enchères. Donc l'idée de vente de collection, donc ça change un peu la donne. C'est donc un nouvel élément évidemment détaillé dans le magazine Canadian Art. On parle aussi des galeries privées qui vont essayer de bonifier, qui essaient déjà de bonifier un peu leur profil public. Donc l'idée étant de d'être un peu plus présent, de faire des expositions qui vont créer l'événement. Ouais. Donc, ce qui n'était pas toujours le cas, du moins pas pour l'ensemble des galeries privées. Donc, il y en a certaines qui essaient effectivement de créer des expositions, événements, de ramener un public qui n'est pas nécessairement un public d'acheteurs vers la galerie. Donc, ça risque d'être une tangente qui va s'accentuer. Ouais, d'aller au-delà de la présentation des expositions collectives des artistes de la galerie. Pour créer un nom, pour renforcer peut-être, si on permet l'anglicisme, le branding de la galerie, donc l'image de marque de la galerie. Ouais. Et évidemment aussi mousser la vente d'œuvres associée aussi à la galerie qui est présentée. Et parallèlement, on estime aussi qu'il y aura une hausse marquée de la demande d'art canadien moderne. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'œuvres historiques disponibles, donc éventuellement, ça va être un marché plus moderne qui va prendre prédominance là, dans le marché lui-même. Et enfin, on parle aussi évidemment de toujours de ces droits de suite, de ces droits de revente, de quelle place pour l'artiste et pour son financement à l'intérieur justement d'un marché comme ça. Ce qui m'amène à simplement mentionner, les liens seront en ligne demain mercredi sur l'aérospatiale.wordpress.com, mais que justement, dans un autre article à côté de celui-là, Kenny Darnott fait un gros retour sur toute l'histoire des droits d'auteur au niveau des arts visuels et toute la saga là, dont on avait parlé un peu ici. Ben oui, c'est ça, on le suit régulièrement, donc pour une synthèse. Et là, finalement, c'est une synthèse. Essayez de comprendre, parce qu'il y a déjà des lois qui s'appliquent. On veut en créer des nouvelles, donc de quelle manière ces lois-là s'appliquent-elles et quelles sont les distinctions à faire entre les lois existantes et les lois qu'on veut créer. Alors, c'est très, très bien expliqué également dans l'article qu'on mettra en lien demain. Voilà, Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Cette semaine, tu reprends le micro de La Vie en BD. Exactement, et on prépare un petit événement autour de l'impro BD. Alors, on va présenter cet événement-là, entre autres choses, à l'émission La Vie en BD vendredi. Voilà, à ne pas manquer. On s'en va en pause audio, on écoute un extrait de la pièce Musique Petit Singe de Third Chick. C'était Fur Chick, un extrait de la pièce Musique Petit Singe tiré de l'album Elle, Women and Experimental Music. On fait un petit tour à la Galerie des Arts Visuels puisque tout récemment, il est arrivé l'exposition de Scar Project 2005-2013. Anna Diamère est pour en parler, l'artiste avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Oui, ça va? On s'entend? Okay. Oui, on s'entend. Nadia Amir, The Scar Project, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant 8 ans, des ateliers dans lesquels vous demandiez à des participants de travailler sur des blessures, sur des cicatrices. Oui, exactement. C'est des ateliers que j'ai faits soit dans des lieux culturels, des centres d'artistes, des musées, ou bien dans d'autres sortes de lieux, des Dropping Center, le centre de l'éducation de Montréal, j'ai trouvé aussi dans des écoles, d'apprentissage et tout, oui. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet-là? Mais c'était un désir de travailler, de concevoir un projet qui était participatif, parce que l'implication des personnes était un peu le sujet. Je me penchais beaucoup sur mes propres blessures et je me suis dit que les blessures, c'est quelque chose que tout le monde en a. Et voilà, alors j'ai comme formulé une espèce de projet autour de ça, parce que il y avait des canevas 10 pouces par 10 pouces, des canevas non peinturés, des canevas vierges, puis le monde pouvait interpeller leurs propres cicatrices, des cicatrices physiques, émotives, spirituelles, psychologiques, sur le canevas. Et ensuite, il crée l'histoire de la cicatrice. Ah, c'est ça, parce qu'ils devaient aussi raconter leur histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les interventions qui se faisaient sur les toiles, c'est pas de la peinture, c'est pas du dessin, c'est des interventions de broderie, de couture, plus spécifiquement. Oui, exactement. J'avais fait un projet auparavant parce que j'ai brodé avec des petites perles, là, des seed beads, oui. Des perles de rocaille sur la Saint-Dien. C'est aussi, c'était un projet collectif parce que les gens participaient à m'aider un peu à recouvrir la loi sur les Indiens avec des perles de rocaille rouges et blanches. Et c'est là que j'ai eu le goût de continuer avec fil et aiguille dans un autre projet, un projet de fibre. Et souvent, quand les gens ils sont interpellés à faire à participer dans une pièce artistique, ils disent « Ah, je suis artiste, je ne sais pas dessiner, je peux pas, non merci, ça me tente pas. » Alors, de travailler avec des fils, des fibres de différentes grosseurs et textures, ça dépassait, ça faisait que c'était intéressant à travailler, que les gens disaient quoi, que c'était pas... Mais oui. Ça les amenait ailleurs, finalement, au-delà de leur capacité technique. Ça les amenait peut-être un peu plus loin aussi dans une réflexion. Exactement. C'est aussi des processus plus longs. Souvent, juste enfiler l'aiguille, ça peut prendre du temps. Mais ouais. Alors, ça leur mettait dans une espèce de temps de réflexion et contemplation sur ce que tu faisais. Moi, quand je regardais l'exposition, donc les 1400, on les voit pas tous au complet, là. Il y en a qui sont empilés, mais j'ai pas pu m'empêcher de voir justement ce travail-là avec le fil, avec l'aiguille, de faire le lien avec la blessure, la cicatrice, la suture aussi. Est-ce que c'était quelque chose à quoi vous avez pensé? Oui, oui. Évidemment. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de voir justement, vous avez dit, bon, des fois c'était plus long, c'est une approche qui est différente, mais il y a quelque chose de très, très contemporain dans ces œuvres-là, de gens qui, pour la plupart, j'imagine, n'étaient pas des artistes. Mais certaines étaient des artistes, parce que quand même, ça a beaucoup circulé dans les centres d'artistes et dans les musées. Alors les gens qui vont là, ils ont une affinité aux arts, ils ne sont pas des artistes. Mais même à ça, tu sais, j'ai aussi travaillé dans en anglais on dit des missions, où est-ce que c'est des itinérants sur la rue, puis ils mangent une soupe là, tu vois. J'ai travaillé avec des personnes comme ça quand j'étais à Michigan, puis surtout des hommes aussi, et ils étaient quand même, je dirais, aussi habiles, puis même Ça fait des beaux œuvres à la fin, oui. Et là, vous avez travaillé là-dessus pendant 8 ans. Vous en présentez une forme de je ne sais pas si je devrais dire de conclusion ou de synthèse à la Galerie des Arts Visuels. Comment vous voyez quel regard vous portez en fait sur ce projet-là et versus l'exposition? Oui, alors bon, mais là j'en fais plus. Là, le projet est fermé depuis cette année. Je pense le mois d'avril cette année, puis lorsqu'il y avait la conciliation, the Truth and Reconciliation Commission, la commission sur la vérité et la réconciliation, ça a lieu à Montréal. Alors c'était un peu la dernière fois que j'ai fait l'activité. Et bon, c'est une première synthèse de fin, mais c'est aussi un genre d'énorme puzzle, tu vois. Il y a plein, c'est dur à faire des choix, puis il y a plein de choix qui peuvent être faits, puis plein de liens qui peuvent être faits. Alors, je pense que la prochaine fois que ça va être exposé, peut-être ça va être autre chose. Mais toujours dans le même, toujours avec la matière qui est là, puis avec les toiles qui sont là, évidemment. Et dans l'exposition, parce que, bon, il y a ces toiles-là des différents participants, mais il y a également une de vos toiles, la 365, une toile de votre mère aussi, dont vous présentez, pour les deux, en fait, pour votre mère et vous, la blessure qui est à l'origine de tout ça. C'est une manière de ramener le projet à une dimension très, très personnelle, j'imagine? Oui, puis qu'est-ce qui est en est sorti avec la discussion que j'ai eue avec la commissaire puis la directrice Lisanne Nadeau. Puis j'étais très contente de travailler avec elle d'ailleurs, parce que j'aurais peut-être pas assumé le projet comme ça. Une des raisons que je l'ai fait si longtemps, c'est pour peut-être bien me cacher à l'intérieur du projet. Oui, par l'accumulation. Oui. Et aussi de minimaliser un peu ma propre souffrance, parce qu'il y en a qui sont... Il y a des histoires-là qui sont très dures. Alors, dont celle de ma mère. Ah, en tout cas, ouais. En parlant de ma mère, mais en parlant de ma propre cicatrice, c'est évident que je parlais aussi de la cicatrice de ma mère, parce que pour moi, c'est le lien là. Alors, j'étais contente quand elle a dit « bon, assume le projet », puis là, voilà, ça donnait ça. Puis juste mettre ces deux-là avec le texte aussi, c'est intéressant. C'est un peu notre façon de voir le projet, tu vois, parce que souvent, je mettais tous les textes que tout le monde avait écrits, et puis, mais là, ils sont pas là. Là, c'est vraiment uniquement des objets. Mais en même temps, c'est comme si à travers vos deux voix, vous portiez un peu celle de tous les autres qui se sont exprimés et qui l'ont fait en manipulant l'étoile aussi. Ben, je suis contente que tu aies dit ça. C'est un beau compliment. Merci. Est-ce que c'était une volonté que vous aviez, ou tout simplement vraiment de mettre l'accent sur votre blessure pour la travailler, peut-être pour l'assumer un peu plus? Oui, c'est ça. Mais c'est la proposition de Lisanne, puis j'ai accepté, quoi, puis je suis contente que j'ai fait ça. Et quand je suis rentrée dans la salle d'exposition, là, c'est quand même un travail, vous l'avez dit tout à l'heure, là, c'est un casse-tête, là, ça reste quand même 1400 propositions. Il y en a, bon, plusieurs sur les murs, au centre, il y en a... Je ne sais combien qui sont empilés. Vous avez choisi d'y aller par regroupement formel, spécifiquement? Oui, mais ça, c'est comme... pour moi, c'est un peu... je dirais... ma capacité d'artiste. Comment travailler chacun... Chaque toile, mais ça peut devenir très très fou comme idée. Ouais, ouais. On peut y aller seulement avec les textes, mais là j'ai décidé, puisque les textes n'étaient pas là, de vraiment prendre une approche plus formelle, puis commencer avec peut-être les toiles qui sont presque pas vide, mais presque... Plus épurée. Oui, beaucoup plus épurée. Jusqu'à la fin, on a comme un grand sentiment du langage, puis les mots qui sont inclus, puis le texte, ça devient très descriptif. Mais il faut aussi dire que c'est pas moi qui ai fait le crachage non plus. J'étais pognée à Montréal, alors okay. C'était vraiment l'équipe, les arts visuels, et puis moi, j'étais un peu à l'extérieur. C'est l'équipe des arts visuels, alors ça aussi, c'est comme j'ai laissé ça à la charge de d'autres. Puis j'ai venu faire quelques insertions à la fin avant l'ouverture de l'expo. Puis le choix d'en mettre au centre les unes par-dessus les autres, est-ce que c'était votre décision ou...

Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale et là s'en vient la série de salons et d'événements artistiques en relation avec le temps des fêtes. Et comme à chaque année, on a une petite mention spéciale pour le salon Nouveau Genre. Et cette année, on a décidé de faire fi d'Olivier Bérard-Vidal, non, quand même pas, mais d'inviter plutôt des gens qui vont exposer au salon Nouveau Genre. Émilie Proulx, bonjour. Bonsoir. Et Marie-Pierre April des éditions C'est beau Escabeau, bonjour. Bonjour. On sera rejoint éventuellement aussi par Louis Rastelli du Distroboto. On en parlera éventuellement de ce distributeur d'œuvres d'art à 2 $ dans des anciens distributeurs de cigarettes. Les filles, j'ai envie de vous poser la question en premier. Le salon Nouveau Genre, ça remplit une niche, j'imagine, dans la diffusion de votre travail, de votre production. Oui, oui, vraiment. Ben, je peux commencer avec C'est beau Escabeau. En fait, ça a été notre première plateforme de diffusion. En fait, on commençait à faire des fanzines, on savait pas trop où les placer. Puis c'est Olivier qui a dit, venez au salon, tu sais. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Là, maintenant, on va à Exposine, on fait d'autres salons à Montréal et à Québec. Puis on a des petits endroits, des petites librairies où on diffuse, mais vraiment, le salon, ça a été comme la porte d'entrée, puis c'est un gros moment dans l'année, là, pour nous tous, là, ouais. Puis c'est un événement. Ben, en fait, pour moi, c'est quelque chose que je ferais pas, de toute façon, des salons. C'est comme, j'ai pas assez de production pour faire des grands salons du temps des fêtes. Alors, le salon Nouveau Genre, c'est vraiment là que ça se passe. Puis, ben, personnellement, je fais une petite production, une petite série nouvelle à chaque édition que je ferais pas autrement. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécifique que je fais pour le SNG à chaque année. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, artisans qui font ça au SNG. Donc, voilà. Et quand vous y allez, Émilie Proulx, tu dis tu fais une production pour ça. Marie-Pierre April, vous, aux éditions C'est beau Escabeau, est-ce que vous présentez toutes les publications ou vous sélectionnez en fonction de la clientèle du salon? Ouais, ben nous, en fait, on les présente toutes les publications qu'on a parce qu'on n'en a pas tant que ça. Ouais. Puis, en fait, même les premiers qu'on a fait, là, il y a déjà 3-4 ans de ça, c'est toujours des bons vendeurs, là, tu sais, les gens, ils continuent de les acheter, mais on encourage tous nos membres, en fait, à produire pour le salon Nouveau Genre, puis on a toujours des nouveautés à chaque année. Là, c'est comme un bon stimulant pour botter les fesses des artistes. Là. Ouais, c'est deadline, ça c'est toujours bon. Là. c'est comme un gros moment dans l'année, puis on sait que les gens qui consomment des fanzines ou dans ton cas, peu importe le produit, on le sent même, c'est l'espèce d'énergie du temps des fêtes. Ouais. Là, même nous qui consommons peu ou pas durant le temps de l'année, là on dirait que c'est Noël, on a envie d'acheter des petites choses. Puis le SNG, c'est tellement ça aussi. Là, il y a vraiment une grande, tu sais, il y a vraiment un gros achalandage à chaque année, c'est impressionnant. Avez-vous une idée à peu près du nombre de personnes? J'ai pas de chiffres, mais c'est comme il y a beaucoup de monde qui viennent. C'est des milliers de personnes. Ah ouais, hein? Parce que c'est toujours très très très très plein là. Moi, j'y suis allée l'an passé avec mon bébé, je l'étais très très près de moi là parce qu'il y avait des mouvements impressionnants un peu partout. Oui, c'est bondé. Puis ce que je trouve, c'est que ça nous dit que un petit salon comme ça, aussi petit soit-il, avec le type, le genre de produits qui sont présentés, qui sont un peu mainstream ou bon, qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas dans les boutiques, qui sont pas présentés, ben il y a un besoin de ça. Donc c'est une chance que ces petits produits-là, les artisans qui font des petites séries dans leur sous-sol, dans leur salon, peuvent les présenter là parce que c'est des belles choses à chaque fois, des belles découvertes. Oui, c'est ça, parce que comme tu le disais, Émilie Proulx, toi, tu ferais pas d'autres gros salons, t'as pas le temps, t'as pas une production pour ça. Ben, il y a plein de gens aussi, des fois, il y a des collectifs ad hoc là, qui se créent pour ça. C'est ce que je fais d'ailleurs cette édition-ci. Ouais. Peux-tu nous en parler? Je suis avec Marie-Michel Bélemaire cette année. Et puis, on a créé Soucoupe et Chouchou. On s'est connus dans notre deck en textile, et puis elle a poursuivi en céramique. Puis là, ben, on a lié céramique et textile pour faire un objet utilitaire, décoratif. Quel genre d'objet, je suis curieuse? Ben alors, c'est la superposition d'un chouchou et d'une soucoupe. Et puis, pour essayer d'imager plus, ben ça peut être... Le chouchou peut servir comme élastique à cheveux, justement. OK, un chouchou... Un chouchou à cheveux. Oui. Puis la soucoupe peut servir de vide-poche, mais tout ça ensemble, ça peut faire aussi un petit tableau mural. Donc, c'est le produit qu'on a développé que pour le SNG. Donc, ouais, c'est ça. Donc, vous faites aller faites aller votre créativité pour l'événement, vraiment. Là. Parce que je pense que ceux qui participent à chaque année n'ont pas envie de raté une année. C'est tellement, c'est comme un rassemblement de gang aussi. On se retrouve, on se raconte ce qui s'est passé depuis l'année dernière, les artisans. Puis ouais, vous connaissez qui, pas mal. Ben c'est ça. Les visages, on sait qui est qui. Puis les gens qui viennent aussi, on est toujours contents, mais je sais pas. Et parlant, bon, vous parlez d'année en année, il y a un nouveau participant qui vient de se joindre à nous. Donc, Louis Rastelli de Distroboto, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de l'origine de ce projet-là? Parce qu'ici, à l'aérospatiale, ça a vraiment piqué notre curiosité. Oui, mais en fait, c'est à la fin des années 90, à Montréal, qu'on a commencé à développer le projet en réaction contre une énorme réduction d'opportunités pour des petits éditeurs, des gens qui faisaient de la BD, la musique même, pour vendre leurs trucs dans des magasins, des librairies à Montréal. Il y avait aussi un manque de festivals ou de justement de foires comme la Foire Nouveau Genre. Donc on s'est mis à penser utiliser cette idée qui a déjà été faite dans le passé dans plusieurs pays, d'utiliser des machines distributrices pour vendre directement au public notre œuvre artistique. Et donc, c'est ça, c'est commencé, ça a été lancé en début 2001 à Montréal, et tout récemment, on a amené deux machines à Québec aussi. Hein. Et c'est ça, il y a deux machines, je pense qu'il y en a une au Cercle. Oui. Puis l'autre, elle est? Au Centre Méduse. À Méduse. Et là, vous avez décidé de profiter du Salon Nouveau Genre pour élargir votre réseau de diffusion, pour rencontrer des artistes aussi, peut-être? Oui, c'est parce qu'on vient juste d'arriver à Québec avec le projet, malgré que ça fait 14 ans à Montréal, les artistes de Montréal sont assez familiers avec. Mais au Salon Nouveau Genre, ça nous donne la chance de rencontrer directement des artistes, des créateurs, des éditeurs, pour qu'ils puissent venir à notre table et voir aussi plein d'échantillons de ce qui est déjà vendu dans nos machines. OK, donc il n'y aura pas une machine là, sur place? Non, malheureusement, c'est un peu lourd à déplacer, ouais. Étant donné que les deux machines sont à quelques coins de rue où se tient le Salon Nouveau Genre. On va tout simplement faire promotion du projet. Et de aussi, on va vendre, on aura plusieurs douzaines de différents mini-publications et œuvres en vente au Salon Nouveau Genre pour 2 $. Voilà, donc c'est quand même vraiment pas cher, là, parce qu'il faut dire, au Salon de vos genres non plus, on n'a pas des œuvres, on va pas dans les 600, 700, 800, 900 $, là, on reste dans quelque chose qui est accessible. Et là, j'ai envie de me tourner vers Marie-Pierre April et Marie-André Godin, justement, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. J'ai envie que vous me présentiez un peu, parce que là, on a parlé un peu, vous faites des fanzines, vous faites également des livres d'artistes, du travail fait main, puis vous publiez aussi des petits catalogues. Oui, en fait, c'est comme nos trois créneaux, là. On a des publications multiples qui sont plus du type fanzine, là, plusieurs copies. On a des plus livres d'artistes, là, où chaque objet est travaillé en soi, là. Je pense entre autres à Marc-Claude Gendron, là, qui est une artiste en art visuel. Elle, chacun de ses fanzines est unique. Donc, dans le fond, acheter un de ses fanzines, c'est comme acheter un morceau de son œuvre, là. Puis, c'est ça, on a les catalogues. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais souvent, on couvrait des événements de performance qu'il y avait à Québec, là, qui étaient organisés par des jeunes artistes de performance, là. Puis, on écrivait des textes, là, parce qu'il y avait des gens d'histoire de l'art aussi qui étaient impliqués dans le projet, là. Donc, parce que souvent, des événements comme ça, moi, j'en ai vu passer sur Facebook, là. Ça arrivait souvent, c'est assez ponctuel, là. Il semble y avoir une décision. On fait ça. Oui. Là, on invite les gens dans notre réseau. Puis, vous, j'imagine, vous vouliez aussi documenter. Oui, absolument. Parce que c'est ça, le truc avec la performance, c'est que, il y a pas grand-chose qui reste. Il reste des photos, puis il reste des textes. Puis nous, on voulait comme aller chercher un peu cette portion de texte-là qui manquait, là, on trouvait. Là. Donc, on a fait ça à quelques reprises. Oui, puis c'est comme c'est de l'édition, un peu de la micro-édition qu'on fait nous-mêmes. Ouais. Mais en fait, on fait la micro-édition qui nous intéresse aussi en termes d'édition, de vraies éditions, si on peut dire comme ça. Donc, tu sais, nous, en tant qu'artistes ou en tant qu'historien de l'art, mais on en lit des catalogues d'expositions, tout comme on regarde des livres d'artistes qui vont être faits à un niveau peut-être plus important, ou je sais pas. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on fait en petite production? Ça va chercher ce qu'on regarde puis ce qu'on aime, là, dans les plus grosses productions, là. Ouais, donc vous faites comme une sorte de... Pas une synthèse, mais tu sais, j'ai perdu mon idée, mais disons que j'ai compris où vous vouliez en venir. Ce que je trouve intéressant, qui ressort en fait dans tous vos projets, dans vos propositions, c'est cette idée du fait main. Hein, tu sais, on est dans un salon, on n'est pas purement dans les arts visuels, on n'est pas purement dans les métiers d'art, l'artisanat, la musique, mais il y a toujours cette idée du j'ai envie de dire bricoler, mais pas péjoratif. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Je suis d'accord. Je pense aussi, parce que tu le disais tantôt, il y a un aspect, en tout cas, je sais pas si tout le monde s'est dit ça dans sa tête un peu à un moment donné, mais moi, quand je participe au SNG, c'est comme, c'est sûr que je pense pas à un produit qui va me revenir à 50-100 $. J'y pense aussi comme ça, parce que je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait revenir à 15-20 $ pour ouais. que les gens soient contents, trouver, c'est vraiment un marché de trouvailles aussi, tu sais, c'est vraiment où est-ce que des gens peuvent partir à la découverte d'un artiste, d'un créateur, d'un artisan, puis faire « Wow, j'aime vraiment ce que cette personne le fait », ben je vais aussi poursuivre, je vais continuer à poursuivre sa carrière, parce que comme il y a aussi beaucoup de personnes issues des arts visuels, ben il y a tout un autre volet autour des petites tables ben ouais. que les gens vont découvrir là, au salon. Ouais. J'imagine, Louis Rastelier, c'est un peu dans cet esprit-là que s'inscrit le Distroboto. Dans cette idée de découvrir des univers d'artistes pour après ça peut-être pousser un peu plus loin? Oui, c'est sûr que malgré le fait qu'il y a plusieurs artistes qui réussissent à vendre des centaines d'exemplaires de leurs produits à 2 $ dans les Distroboto, il reste que c'est surtout une façon de se faire connaître, c'est de rejoindre des nouveaux clients. À 2 $, il y a beaucoup de gens qui prennent des chances sur des inconnus. Ben ouais. C'est un peu ça l'objectif principal du projet, c'est de se faire connaître et d'encourager le public de prendre une chance à 2 $. Donc, c'est sûr qu'au Salon Nouveau Genre, on va tout de suite viser ceux qui vendent de l'art abordable pour en inviter à participer au projet de Distroboto éventuellement aussi. Là. Et peut-être une dernière question en terminant, parce que le temps file. Je m'adresse à vous, mesdames de C'est beau Escabeau. On a parlé un peu de votre type de projet, mais pouvez-vous nous présenter peut-être une ou deux publications que vous avez que vous avez faites? Oui, oui. Ben en fait, on a un fanzine moi que j'aime beaucoup qui a été fait par Maude Véveilleux et Guillaume Agitard-Provost. En passant, si je peux mentionner, Maude Véveilleux va lancer son premier recueil de poésie. C'est pas nous qui l'avons édité, c'est les éditions de l'Écrou, mais il va être lancé à Québec là le 14. Ouais. À la librairie Saint-Jean-Baptiste, donc à ne pas manquer. Je fais une petite publicité pour mon amie. Mais elle a fait un fanzine, en fait, avec son chum, Guillaume Agitard-Provost, ouais. un artiste en art visuel excellent qu'on connaît. Puis, ils ont écrit un petit fanzine sur leur expérience du salon de l'ésotérisme à Montréal. Oh. Puis, Guillaume Provost, à l'occasion, il a fait du papier marbré. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est une beauté, là, le papier marbré. Marbré, c'est super beau. Puis, ça, c'est quelque chose d'assez récent qu'on a. Également, on a des nouveaux collaborateurs, Miro Bernier-Barbeau et Marc-Olivier Secours, excusez, qui ont fait un petit fanzine. C'est seulement des dessins. Ça s'appelle « Les images agréables à regarder ». C'est un fanzine en couleur, puis c'est super beau. Là. Donc ça, c'est... Voilà, vous avez déjà... J'avais déjà une cliente. C'est ça. Eh bien, Marie-Pierre April, Marie-André Godin de C'est beau Escabeau, merci. Émilie Proulx et Louis Rastello, Rastelli de Distriboto, pardon. Je vous remercie à tous et on a l'occasion d'aller vous voir en fin de semaine au Salon Nouveau Genre. C'est à l'église Saint-Jean-Baptiste de 11h à 19h, donc 7 et 8 décembre. C'est d'ailleurs la 9e édition du Salon. On s'en va en pause audio, on écoute Cathy Alberici, la pièce Bassi P. On est de retour à l'aérospatiale et j'accueille Fanny Hénon-Lévy. Bonsoir. Salut Julie. Hey, je me suis résolue. Je dis bonsoir maintenant. Ah oui, tu dis plus après salut. Quelques semaines, non, je disais toujours bonjour, mais là, il fait noir, donc... Voilà, je suis particulièrement fière de moi. C'était vraiment important que je le mentionne à la radio. Fanny, t'es allée faire un tour à l'établi? Oui, j'ai été voir Tension Sérénité de Francis Gagnon. Alors Tension Sérénité comme ça, ça a l'air très classique. C'est effectivement une exposition assez classique, donc photographie, la photographie noir et blanc, classique, minimaliste, encadrée, posée très simplement. Il y a 14 clichés, 7 pour Tension, 7 pour Sérénité, mais ça a l'air comme ça très austère. Mais c'est de toute beauté. Les images sont d'une intensité incroyable. On est également sur un sujet très classique, puisque c'est des photographies de nature, de montagne. Francis a beaucoup voyagé, donc c'est des photos c'est des clichés qu'il a pris un peu partout dans le monde. Ça va de Hawaï en passant par l'Islande, en Amérique du Nord, par Charlevoix. Mais il a travaillé plus la sélection d'images et la qualité des images plus que la thématique du pays, ce qui est très intéressant parce que finalement t'as un voyage comme ça autour du globe qui finalement te montre que la terre et la nature sont d'une puissance incroyable quel que soit le c'est pas les lieux qui importent le lieu, voilà, c'est ça. Et lui il vient sublimer ça par son image, parce qu'il vient vraiment travailler les contrastes, le contraste du noir et blanc, il vient travailler par couches, donc t'as une profondeur incroyable dans l'image. Il travaille avec des longs temps. J'ai dit minimaliste au début, on est vraiment sur de l'image, ces blancs sont extrêmement blancs, c'est très très séduisant, mais surtout ça t'aspire. Il vient vraiment travailler sur l'émotion, et il y a un plus que Francis Gagnon a fait, c'est qu'il donne un titre à ses photos, ce qui est quand même assez rare en photographie, et il vient mettre un petit texte d'impression narratif très court, très facile à lire, qui te donne son impression du moment. Tu plonges dans l'ambiance en fait. Exactement, il te dit voilà, bon ben là la neige s'est arrêtée, un nuage de brouillard, pof, la photo s'est prise à ce moment-là. Ah, tu sais, tu retiens ton souffle et là ça te permet aussi d'embarquer dans la photo. Donc t'as comme un aller-retour entre la petite narration et les images Ça ramène à l'idée que la photo, ça peut aussi être un instant présent, donc un moment. C'est un instant c'est présent. C'est ça qui met de l'avant, j'imagine aussi. C'est ça qui met. C'est un instant présent. C'est ni avant ni après. C'est terminé après. Là, tu sais, mais il travaille. J'ai même demandé à Laura de l'établi si c'était de l'argentique. Il travaille vraiment le numérique comme de l'argentique. C'est très texturé. C'est de toute beauté. Alors, on est sur de la photo très classique et c'est très étonnant parce que lui, il est sociologue. Sociologue de l'environnement. Okay. C'est sa formation et c'est également son métier. Alors, sociologue de l'environnement, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la sociologie, mais au sens large, et qui s'intéresse aux pratiques environnementales essentiellement dans la société et dans les milieux urbains. Alors je trouvais ça intéressant qu'il aille travailler de la photographie en pleine nature avec des paysages d'une violence même si on est dans la série Sérénité, différence entre les deux hein, parce que ça évoque deux sortes de sentiments assez distincts. Ils sont opposés, c'est sûr. Moi j'ai trouvé que ça se rejoignait quand même assez. Finalement, la force, elle est partout. Même quand t'es dans un paysage, t'es dans la série Sérénité, il y a quand même une puissance. T'as l'impression que c'est endormi, mais c'est très très très mouvant. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant, ce travail sur c'est des images fixes, mais il va chercher un autre mouvement, il vient chercher une autre vibration. C'est à voir. C'est vrai que c'est difficile de décrire de la photographie. je vous conseille vivement d'aller voir cette expo. Francis, il est présent le 7 décembre. Ça se termine le 7 décembre. Il voilà, sera donc présent. C'est samedi, le 7 décembre. C'est ça. Et c'est, il sera là de 13h à 17h. Donc, si vous voulez avoir la chance de rencontrer l'artiste, puis ses narrations de voyage et les anecdotes sur les photos. Il y a une photo en particulier qui a un charme incroyable. C'est une série de moutons sur on a l'impression qu'ils flottent sur la neige. Là, c'est absolument incroyable. C'est hyper séduisant. Ils te regardent avec leurs grands yeux hagards. Ah ouais. c'est vraiment il y a de très belles découvertes. Voilà, donc c'est à ne pas manquer. C'est donc, Fanny, tu le disais, jusqu'au 7 décembre. Donc, si on habite en... Peu importe où on habite, on va là et ensuite on va au Salon Nouveau Genre ou le contraire. Exactement. Voilà, donc c'est Tension, Sérénité de Francis Gagnon. Fanny et non, Lévy, merci beaucoup. Salut, Julie. On va se revoir en 2014, puisque... Déjà. Il nous reste quelques émissions avant la fin de la saison. Voilà, on s'en va en pause. On écoute un extrait de la pièce All Machine Mother LB sur les ondes de CKRL. C'était une pièce de King Gatot. Je répète, c'est tiré de l'album Elle, Women in Experimental Music, publié sur l'étiquette Sillage Intemporel. Vous pouvez trouver le lien sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Vous savez que chaque suggestion que Simon Roy nous fait peut être téléchargée gratuitement. Les liens sont sur le site. Également, l'émission est disponible en balado diffusion. Les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier sont là. On publie les communiqués de presse aussi. Donc, toute l'actualité en art visuel à Québec est présente sur le site. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Vous avez juste à chercher l'aérospatiale et on est là en première place. Voilà. C'est déjà la fin de l'émission. Avant de terminer, je vous invite à deux conférences au Musée national des Beaux-Arts. La première a lieu demain à 19h30. C'est une conférence du conservateur à l'heure actuelle, Bernard Lamarche, qui nous présente une série de conférences comme ça sur lesquelles il va se pencher sur une œuvre de la collection du musée. Dans ce cas-ci, ça va être l'œuvre Resolute, qui va être racontée par ce conservateur. D'ailleurs, je vous recommande fortement parce qu'on l'a eu dernièrement à l'émission et c'est vraiment un raconteur né, là. Il est très intéressant à écouter parler. Également, vendredi à 9h30, il y a la conférence Un goût pour l'art moderne, les fauves et les cubistes. Si vous manquez la conférence, elle aura également lieu mercredi le 11 décembre à 19h. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Vous savez, on est le 3 décembre, il reste deux émissions de l'aérospatiale et ensuite on prend une pause pour le temps des fêtes, une pause bien méritée qui accompagne celle, bien entendu, des centres d'artistes qui nous reviendront à la fin janvier. Donc, je reviens à cette fin d'émission. Je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de CKRL. Faites comme moi, écoutez Jules Chaumel et Folk d'Amérique. Et voilà, donc on se revoit la semaine prochaine.